il est midi. Et messieurs, dames, rien que pour vous, la Java avec Gwen au piano. Un air d'accordéon sur l'île de la cité. J'adore l'harmonica, je me suis approché. Il manquait des paroles, alors je les chante. Votre attention, s'il vous plaît. Veillez à ce qu'il n'y ait aucun obstacle qui gêne la retransmission d'angle d'attaque et que rien ne s'oppose à l'ouverture à une autre vision du monde. Angle d'attaque, tous les troisièmes samedis du mois, de 12h à 13h sur Radio Campus. Bonjour, bonjour. Il est midi sur Radio Campus et vous vous préparez à écouter Angle d'attaque, une émission proposée par les trois comités locaux d'attaque de la métropole lilloise. Attaque A2TAC, l'association pour la taxation des transactions financières et pour l'action citoyenne. Attaque, ce qu'il faut retenir surtout, c'est que Attaque est une association altermondialiste et d'éducation populaire. Pour vous servir aujourd'hui autour de la table, René, qui confirme son retour dans l'équipe. Oui. Didier, Morgane, Monique et Christian aux manettes en l'absence de Florent. Nous avons un invité de marque aujourd'hui, c'est David de l'association... Roubaix-Tourcoing, d'accord, Mobilil, Roubaix-Tourcoing. De quoi parlons-nous aujourd'hui ? Eh bien d'un sujet pour lequel nous pouvons nous passer d'invités extérieurs, puisqu'il s'agit de la gratuité des transports. Thème sur lequel nous militons à Attaque dans la métropole depuis pas mal d'années, et notamment à Roubaix, c'est Morgane qui va poser la question. Oui, alors donc on parle de gratuité des transports, un enjeu écologique, social et sanitaire en fait, et c'est un thème qui s'invite dans la campagne des municipales, donc qui arrive à grands pas, hein, le 15 et 22 mars, n'oubliez pas de voter pour, on va dire, les bonnes personnes. Alors, on, par exemple, sur l'île, on a plusieurs listes. On a même Violette Spielboot propose une mesure de gratuité. Sur Tourcoing, on a plusieurs listes également. On a celle de Cathy Wilstecker d'Union de la Gauche. On a les Insoumis qui proposent certaines mesures de gratuité également. Et ça va être l'occasion ici, donc à Attaque et à l'UGDT. On a un rôle historique dans l'explication, dans le militantisme pour ce sujet d'importance. Donc, pour un petit côté historique, je vais laisser la parole à Didier et Monique. Oui, sur la campagne qu'on a menée sur Roubaix. Donc, pourquoi Roubaix? Morgane l'a un peu dit. On a considéré que c'était la ville la plus pauvre de France, à échelle comparable, et c'était quand même la ville la plus polluée aux particules fines. Alors bon, c'est une campagne qui est quand même de longue haleine, puisque ça a commencé la première réunion, je me souviens, c'était en décembre 2017, avec quelques représentants de partis et de syndicats, mais enfin, on a continué sans eux. Il y a eu aussi des questionnaires qui ont été remplis, surtout au marché de l'Épeule et dans les marchés de Roubaix, donc sur les usages, sur la gratuité, sur la mobilité. Ensuite, on est passé aux phases des pétitions, donc une pétition qui a été signée... Ça a duré des années, on est arrivé à plus de 1000 signatures. Oh ouais, 1600 même. 1600, ouais. Entre parenthèses, sur le cul-de-four, sur le quartier du cul-de-four, on était quand même... on avait plus de signatures que de votants dans le quartier, enfin, ce qui quand même en dit long sur la participation à Roubaix. On a eu un grand débat public, qui a quand même réuni 150-200 personnes au théâtre Pierre de Roubaix. Ça, c'était en janvier 2019 avec Damien Carême, qui était quand même, qui était maire de Grande-Synthe à l'époque et qui était l'une des personnes qui a quand même poussé la gratuité sur Dunkerque. Et il y avait aussi Fabien Desage, donc. Qui est un politiste qui réfléchit beaucoup sur la démocratie locale. Et donc c'était un débat qui avait quand même été très apprécié. Ensuite, donc sur leur conseil, on a été aussi à Dunkerque plusieurs fois, notamment pour faire le bilan de la mise en place de la gratuité sur Dunkerque. Et on a aussi vu des personnalités locales, notamment Monsieur Alexandre Garcin, qui à l'époque était responsable de l'environnement à la mairie de Roubaix, qui maintenant se présente à nos suffrages. Enfin, je parle pour les habitants de Roubaix. Donc, on a aussi mené un travail en profondeur avec l'Université de Lille, et en particulier la boutique des sciences, donc avec justement un travail d'une étudiante qui s'appelle Nastassia Danger, qui a fait tout un travail à mémoire sur la mobilité, avec une restitution qui a été faite au mois de janvier dans les locaux du Secours Populaire, avec qui on a travaillé aussi, parce qu'on estimait aussi que c'était un gros problème pour les bénévoles du Secours Populaire de devoir payer les transports. Alors maintenant on travaille plus avec en lien avec le GDT, enfin on l'a toujours été, mais c'est plus, disons que les liens se sont renforcés. On travaille beaucoup avec un groupe qui s'est formé dans l'Artois, sachant que dans le Pas-de-Calais, avec trois conseils d'agglomération plus Calais, ça fait la moitié des habitants du Pas-de-Calais profitent de la gratuité des transports. C'est quand même quelque chose qui est important et qui doit nous guider. Voilà, donc là on avait aussi j'ai oublié un débat sur dans les quartiers, on a fait un travail important, notamment au Cul-de-Four, qui est un quartier du nord de Roubaix. Ensuite on a été à la Potainerie, on a tiré les sonnettes, on a parlé gratuité, on a eu évidemment des signatures. On a fait aussi un débat public à Justice, enfin dans le quartier Justice à Roubaix, avec notamment Julie Vanin, qui est quelqu'un qui a travaillé beaucoup sur la mobilité, sur la gratuité. Voilà, et là on est dans une phase où on se dit que nous on est choisi Roubaix au nom aussi du municipalisme. On estime que les villes ont quand même leur rôle à jouer là-dedans. Et on nous dit toujours que ça se décide à la MEL, mais si Roubaix venait à passer à la gratuité, ça aurait quand même du poids au niveau de la MEL, et c'est en tout cas ce qu'on va travailler encore avec le nouveau tracé du tramway Tourcoing M, où on aimerait bien quand même avoir l'avis des habitants qui sont sur le passage. Voilà, en gros, ce qu'on a fait sur Roubaix depuis maintenant presque 10 ans. Monique ? Oui, alors je voudrais préciser, Morgane a parlé de l'UGDT, c'est l'Union pour la gratuité et le développement des transports publics urbains, et c'est un mouvement national qui s'est créé et qui est aujourd'hui une association, loi 1901, et qui regroupe une vingtaine de collectifs dans toute la France. Dans les Hauts-de-France, nous sommes deux collectifs ATTAC dans la métropole, Lille et Roubaix. On a, comme tu l'as dit Didier, on a surtout travaillé sur Roubaix, mais il y a également le collectif Artois, donc à Lens, et puis un quatrième à Arras. Donc on est assez bien représenté dans la région. Bien représenté dans la région, sachant qu'on a aussi Dunkerque, le Nord-Pas-de-Calais est quand même le vent en poupe et quand même en première ligne dans cette affaire de gratuité. Oui, avec Calais, Douai notamment. Enfin, Douai aussi, oui. On passe aux questions suivantes, oui. La gratuité des transports, un enjeu important en termes sanitaires, de santé publique. Est-ce qu'on peut en parler ? Donc, Didier tout à l'heure disait qu'on était dans les villes les plus fortement polluées aux particules fines. Oui, je crois que il y a trois axes, trois motivations grandes qui nous font travailler et militer. Il y a une urgence sanitaire. On est vraiment face à une question de santé publique. Les autorités ont une énorme responsabilité. On sait maintenant que la pollution atmosphérique fait en France 40 000 morts par an. Et ces chiffres sont particulièrement accablants pour le Nord, le département du Nord. Donc les 40 000 morts, ça représente 6% des décès par an qui devraient être, qui pourraient être évités si on luttait contre la pollution atmosphérique. Donc 6%, ça fait 40 000 morts au niveau national. Le département du Nord est à un peu plus de 10%. Il talonne Paris. Donc dans le Nord, ça représente à peu près 2300, un peu plus, de décès par an qui devraient être évités. Et si on descend au niveau de la métropole lilloise, c'est encore plus accablant, puisque nous, on est à 12% de décès annuels qui devraient être évités si les autorités faisaient tout simplement leur travail. Ça représente presque 1000 morts par an dans la métropole, 965 précisément, d'après les chiffres de Santé publique France et de l'INSEE. Donc il y a vraiment une question de santé publique, et cette question écologique et de santé publique, elle est forcément liée à la question sociale, parce qu'on a parlé de Roubaix, qui est la ville la plus pauvre et la plus polluée, mais bien évidemment, c'est pas chez les riverains du parc Barbieux qu'on souffre le plus de la pollution atmosphérique, c'est dans les quartiers comme le Cul-de-Four, qu'on connaît bien, où sont installés les... quartiers populaires, oui. Et les associations qui aident les habitants. Donc voilà, il y a véritablement une urgence, et le Sénat qui milite pas spécialement pour la gratuité, mais nous donne des chiffres encore une fois accablants. Le Sénat nous dit les collectivités locales vont dans le mur. Si on veut respecter les engagements de la France pour 2030, il faut qu'on diminue de 30% les émissions de gaz à effet de serre, les flux de voitures, diminuer de 40% les émissions de gaz, donc diminuer de 30% les flux de voitures, qui sont la principale cause de la pollution atmosphérique dans nos métropoles, et en particulier à Lille. Et ça, ça suppose, d'après le Sénat, de multiplier par 3 ou 4 l'offre de transport public. Imaginez, dans la métropole lilloise, le chantier que ça doit représenter. Et aujourd'hui, nous, ce qu'on dit, c'est qu'on n'a plus le choix. Le débat n'est plus « je suis pour, tu es contre ». Le débat est « il y a une question de santé publique, les autorités doivent agir, et nous, on va les pousser à le faire ». René, justement, je voulais dire... face à ça, il y a toujours des contre-arguments. Il y a toujours des contre-arguments. Et justement, je ne sais plus ce que je voulais dire. Oui, on entendait... on y reviendra plus tard, mais les questions budgétaires, ça va coûter trop cher. Oui, voilà. Ça va coûter trop cher, oui. Voilà, c'est pour dire, est-ce qu'on doit s'arrêter à une conception uniquement comptable gestionnaire, ou au contraire avoir une vision de long terme? Ben oui, nous, on a un raisonnement politique et pas comptable ni gestionnaire. Mmh. Évidemment, quand on voit les chiffres le budget des transports de la MEL, si on enlève la billetterie de 80 millions d'euros, évidemment, ça fait un trou. Mais les politiques doivent raisonner autrement. Il y a une urgence et il y a des moyens à aller chercher. Ce que tu soulèves, le coût, me refait dire que on ne peut plus compter sur la billetterie aujourd'hui. Alors, on reviendra tout à l'heure dans les moyens de financer ce vaste projet, mais de plus en plus, la billetterie est une part infime du coût des transports. Il y a beaucoup d'autres taxes ou leviers à aller actionner. Mais de toute façon, cet argument, on n'a pas les moyens, il ne tient plus. Les hommes politiques qui disent ça n'ont pas réfléchi 30 secondes à la question. S'ils sont responsables, ils savent qu'on ne peut plus hésiter, il faut y aller. Mmh. Oui, mais pour revenir à la question que posait René, donc bon, il y a la Cour des comptes, évidemment, qui nous a fait un rapport comme quoi la gratuité, c'était non seulement impossible, mais pas souhaitable. Enfin, on la laisse assez... Bon, c'est quand même une officine libérale et qui a jamais été quand même très, très proche des aspirations populaires, on va dire. Mais bon, il y a Total qui est quand même en procès actuellement aussi pour justement refuser toute modification de l'exploitation des énergies carbonées. Et l'important, c'est aussi que les transports sont quand même la première source de gaz à effet de serre, avec 30% du CO2 émis. Donc c'est quand même sur les transports, et nous on estime que c'est sur la gratuité des transports que se joue une bonne partie de la transition écologique dont on nous rebat les oreilles et en fait personne au niveau des pouvoirs publics ne fait rien, comme disait Chirac à Johannesburg, on regarde ailleurs quoi, hein, c'est ça. La maison brûle et nous regardons ailleurs. Qui a été remis en place par notre ami Jean Gadret, il dit si votre maison brûle, vous allez regarder la brûler. Oui, une autre question peut-être. Moi j'ai une question, hein, si vous voulez. Oui, une question, c'est que, bon, il y a deux choses en fait. Le rapport du Sénat dit, il nous faut 30 milliards. Ok, on a vu ce qu'a fait Macron du rapport sur du rapport sur la convention, la convention citoyenne. Non, c'est pas la convention citoyenne. Il a mis de côté le rapport de Mafalouse, et vous allez me rappeler le nom de l'auteur, mais ça fait rien. Et il a mis à la poubelle en fait ce rapport là. Ouais. Donc il n'y croit pas. Donc en même temps, ce qui est inquiétant, c'est que le Sénat tient pas compte de ça. Il dit ben il va falloir quand même les 30 milliards. C'est ce que je crois qu'il a réclamé 60, hein, le rapport en question. Voilà. Donc le problème il est là. Et j'ai une deuxième question aussi. Donc ce qui se passe, c'est que en tout cas, ce qu'on constate, c'est que les villes où il y a des transports gratuits, c'est toujours les élus qui décident. Qu'est-ce qu'on pense de ça, nous ? Oui, on n'a aucun exemple en France où une mobilisation citoyenne a fait plier les élus. C'est vrai que l'initiative, jusqu'à présent, est toujours venue des élus pour des raisons qui sont, quelquefois pour les petites communes, c'est tout simplement plus simple de passer à la gratuité parce que la billetterie coûte plus cher que ce qu'elle rapporte. Et pour les grandes métropole comme Dunkerque. Dunkerque a d'abord eu une approche sociale. Le maire de Dunkerque, en 2014, dans son programme, a affiché le pouvoir d'achat des Dunkerquois, avant le problème écologique. Bon, ensuite, les autres villes de la communauté urbaine se sont ralliées à lui, et ils en ont fait un grand projet. Une grande ville comme... une grande métropole comme Montpellier a aussi cette approche plus sociale. Oui. Mais, et nous, on doit vraiment mener de pair l'exigence, l'urgence sanitaire, écologique et sociale. L'un ne va pas sans l'autre. Didier j'ai posé la question. Enfin, vous rappelez un truc. C'est vrai que on parlait du côté social. Bah oui, les catégories plus pauvres vont avoir plus facilement des vieilles voitures ou des diesels. Mmh. Et on en revient à l'urgence sanitaire, en fait. Et effectivement, quand on voit en concurrence, le prix du ticket de métro, de train, de quoi que ce soit, qui va coûter parfois plus cher que le plein de la voiture pour le même trajet. Voilà, j'ai envie de dire, les gens vont sélectionner, vont faire un arbitrage qui va pas être bon. Et du coup, on peut en revenir à l'enjeu social de la gratuité des transports. Donc, vas-y, dis. Oui, le social, on va y venir, mais simplement, je voulais répondre aussi à la première question de Christian, sur l'exemple qu'il a donné, mais aussi la convention citoyenne sur laquelle on s'est largement assis. Hein. Je crois qu'il y a eu trois ou quatre propositions retenues sur une cinquantaine de mémoires. Bon, on a quand même, on est dans un déni total au niveau du réchauffement climatique. Enfin, là, on voit tous les jours, l'ouverture des 20h est faite avec les catastrophes à Angers et ailleurs et dans le sud-ouest, mais bon, apparemment ça, on déplore, mais il y a pas, font le rapprochement avec le réchauffement climatique. On se dit que bon, on va avoir des solutions technologiques. Enfin, ça c'est une première partie. Le solutionnisme écologique pour continuer en fait à le capitalisme avec l'écologie de marché et le capitalisme vert quoi. Donc tant qu'on en sera sur ce logiciel-là, il y aura pas grand-chose à attendre. Maintenant, il y a des initiatives locales qui peuvent se mettre en place et prospérer, et celle de la gratuité des transports en est une. Oui, moi je veux revenir donc sur le sur la question sociale qui a été notre première entrée hein, dans le dans le militantisme sur la gratuité. Ce que on parle toujours de gratuité. Alors c'est vrai que c'est une facilité. Nos opposants nous disent mais rien n'est gratuit. On le sait bien évidemment et on est même en capacité de chiffrer. Il y a toujours quelqu'un qui paye. Mais ce qu'on pense nous, c'est que les transports, c'est-à-dire le droit à la mobilité. Détermine tous les autres droits. Les gens, si vous ne pouvez pas vous déplacer, eh ben vous n'avez droit à rien, ni au travail, ni à la santé, ni à la culture, ni aux loisirs. Donc le droit à la mobilité doit être considéré comme un véritable droit et traité, comme disait je ne sais plus qui, en dehors des lois du marché. Et donc c'est pour nous, ça a été notre première entrée. On sait aussi, Didier parlait de ce qu'on a fait, de l'enquête qu'on a menée à Roubaix. La même enquête avait donné les mêmes résultats à Dunkerque. La tarification sociale, nous c'est important de le redire. Ouais. On est opposé à ces petites mesures de tarification sociale qui ne font pas du tout avancer le projet. La tarification sociale est dans son principe inégalitaire. On l'a vu à Roubaix dans notre enquête, seulement 25% des personnes interrogées dans les quartiers populaires, donc sur les marchés, bénéficiaient d'un abonnement. Alors on sait déjà que pour obtenir l'abonnement pour les gens les plus précaires, on l'a vu avec les quartiers du Cul-de-Four à Roubaix, c'est une tracasserie sans nom. La plupart n'ont pas, il leur manque toujours un papier. Enfin, c'est très compliqué. Mais en plus, sur le principe, quand on est dans la précarité et qu'on a quelquefois un billet de 10 euros pour faire vivre plusieurs enfants un ou deux jours, on ne paye pas à l'avance un service dont on va essayer de se passer. Et donc, quand on est obligé de prendre le transport, on paye le prix fort. C'est ce qui nous fait dire que la tarification dite sociale, elle est intrinsèquement inégalitaire. Et nous, on pense aussi que c'est pas en accordant la gratuité pour les jeunes ou pour les vieux ou pour les chômeurs qu'on peut repenser la grande question de la mobilité dans une métropole comme Lille. Depuis 20 ans, quasiment toutes les catégories sociales ont eu leur heure de gratuité. Et tant qu'on n'est pas sorti de cette logique commerciale et marchande du traitement des transports, on ne s'en sort pas. René ? Et aussi, on voit aussi que c'est des mesures en fait provisoires, non pérennes, puisqu'on après on change de catégorie. On avait fait la gratuité pour les personnes âgées, après on l'a fait pour les jeunes de moins de 18 ans, etc. Et aussi, je voulais dire le fait de devoir demander, enfin les gens sont toujours en demande quelque part, c'est un peu humiliant pour eux. De demander une tarification sociale. Et aussi, enfin, un dernier point, la gratuité permet aussi aux gens de sortir de leur quartier, beaucoup plus qu'une. Et ça évite justement la constitution de ghettos. Voilà. Exactement. C'est des choses qu'on mesure, qu'on chiffre difficilement, mais c'est vrai que permettre aux gens de sortir sans aucune raison, d'aller voir d'autres gens, de sortir de son quartier, ça a forcément une incidence sur la santé également. Oui. Ouais. Et donc ce coût, enfin, ces gains à faire sur les coûts de santé, il faudra aussi les chiffrer à un moment. Enfin, moi, sur la gratuité partielle, moi j'irai même plus loin. C'est en fait le droit à la gratuité, ça serait quand même sortir un pan de l'activité des logiques marchandes et capitalistes, un peu sur le modèle de la sécurité sociale, même s'il y a beaucoup, il y a eu beaucoup de recul, et sur le modèle de pourquoi pas de la sécurité sociale de l'alimentation ou du logement. Tout ça fait partie de pans de l'économie qui sortirait un peu du régime libéral capitaliste, quoi. Ça serait une vision justement de long terme plutôt que là, des logiques marchandes à profit immédiat. Et, voilà. Sur le social, deux chiffres simplement. Je rappelle que le rapport dont je parlais, c'est le rapport Pisani-Ferry, hein, sur le coût le coût économique de la pollution. Morgane pourrait illustrer aussi cette question, cette fragilité de la tarification partielle et sociale. Oui, alors on avait déjà tu l'avais donné l'exemple des familles où il y a un billet de 10 euros pour nourrir les enfants pour un certain nombre de repas. Moi, il y a mon cas particulier. Alors, j'ai des revenus de handicap, allocation adulte handicapé, pension d'invalidité. Alors, au départ, j'avais la tarification sociale la plus basse avec Ilivia, donc c'est-à-dire un peu moins de 10 euros pour l'abonnement mensuel. Bon, du jour au lendemain, alors que j'avais exactement le même pouvoir d'achat, juste mes allocations avaient été revalorisées par rapport à l'inflation, donc j'avais, je crois, 30 euros de plus par mois. Ben, d'un seul coup, paf, je suis passé à la catégorie au-dessus, donc à l'abonnement à 20 euros par mois. Là, récemment, vis-à-vis de la CAF, en fait, je me suis déclaré officiellement en couple avec ma compagne, en fait, qui a un emploi qui est un peu mieux payé que le SMIC, mais c'est pas non plus un salaire de cadre sup. Très clairement, on en est loin. Eh ben, d'un seul coup, j'ai plus droit à la tarification sociale, en fait, puisque c'est les revenus du foyer et que, de toute façon, même avec un SMIC, en fait, on arrive assez rapidement à dépasser les catégories, les cautions familiaux, en fait. C'est aussi un des inconvénients, justement, de cette tarification sociale, c'est les effets de seuil. Dès que tu dépasses, dès que tes revenus dépassent le plafond de quelques euros, allez, crac. Ouais, c'est ça. Voilà. Est-ce que je peux rapidement ajouter ce qu'on réclame aussi, nous, depuis qu'on milite sur ce sujet, c'est l'abrogation de la loi Savary, qui criminalise les fraudeurs. On sait aussi qu'il y a, dans la métropole illoise, un certain nombre de personnes qui ne peuvent pas payer, ou qui ne souhaitent pas, pour des raisons idéologiques. Et ceux-là sont véritablement criminalisés depuis 2016, la loi Gilles Savary, qu'on doit à un député socialiste, qui consiste, alors je veux vous rappeler quand même l'objet de cette loi, mieux prévenir les incivilités, améliorer la sécurité publique et lutter contre les attaques terroristes dans les transports collectifs. Alors je voudrais rappeler que quand un automobiliste ne paye pas son ticket de parking, il a une amende, il est en infraction, c'est pas un criminel. Or le fraudeur, avec cette loi Savary, est criminalisé. Nous, on réclame donc l'abrogation de cette loi. On a connu la mutuelle des fraudeurs aussi. Oui, exactement, qui a été... Le troisième volet à aborder, c'est encore pour répondre à la question... ça va être trop cher, on n'a pas les moyens, on peut pas payer. Donc la question qu'on se pose, c'est est-ce que la gratuité est une utopie ou est-ce qu'on peut y arriver ? On peut dégager des nouveaux moyens de financement. C'est ça. Voilà. Alors, encore une fois, le rapport du Sénat nous donne des indications intéressantes, des chiffres. Alors, encore une fois, le Sénat n'est pas militant pour la gratuité, mais il donne des chiffres, encore une fois, très, très intéressants sur le financement de la gratuité. Alors, je vais vous redonner les chiffres qui sont des chiffres nationaux hors Île-de-France, qui a un statut particulier, puisque l'Île-de-France n'est pas seulement une métropole, c'est aussi un département, une région. Donc, l'essentiel quasiment du financement des transports collectifs urbains vient des entreprises, ce qu'on appelle le versement mobilité. Au niveau national, il représente 43%, et dans la métropole, on est plutôt à 49%. Enfin, donc, c'est à peu près les mêmes proportions. Donc, l'essentiel du financement vient des entreprises. Ce versement mobilité, c'est un pourcentage de la masse salariale prélevé sur les entreprises qui ont plus de 10 salariés, donc à partir de 11. Et ce versement mobilité, il est plafonné par la loi de finances tous les ans. Dans la métropole lilloise, on est à un plafond de 2% et l'autorité organisatrice utilise... les collectivités utilisent l'ensemble de ces moyens. C'est pas le cas de toutes les régions. Beaucoup de régions n'utilisent pas forcément ce qu'elles seraient autorisées à utiliser en termes de versement mobilité. La billetterie, c'est quand même intéressant ça, au niveau national, ne représente plus que 15% du financement des transports. Dans la métropole lilloise, on est plutôt autour de 20%. Oui, en diminution d'ailleurs. Et ce qui est important, c'est cette tendance qu'on observe depuis les années 70 du siècle dernier, où dans les années 70 et 80, le billet... L'usager payait 70% du coût du transport quand il prenait le bus ou le métro à Paris. Aujourd'hui, donc, on voit que tendanciellement, ça diminue et que cette tendance n'est pas prête de s'inverser parce que tout simplement, les coûts des transports publics ont flambé et sont de plus en plus importants. Sur le financement, les collectivités payent au niveau national, encore une fois, 31%, ce qui est beaucoup. Et elles empruntent à hauteur de 10% pour payer les transports. Ce qui fait dire au Sénat que les collectivités vont dans le mur, qu'elles n'auront pas les moyens de multiplier par 2, 3 ou quelquefois 4 l'offre de transport public. Et ils pointent également, on a parlé tout à l'heure de la responsabilité des autorités nationales, l'État finance à hauteur d'un petit 2%. Et ça doit changer aussi à notre avis. Donc pour nous, la gratuité n'est pas du tout une utopie, c'est même une possibilité. C'est pas à nous ici de dire voilà comment il faut faire, il faut aller chercher l'argent ici ou là. Mais on a quand même des chiffres intéressants. Il y a plusieurs propositions de loi qui ont été déposées. La première qui nous a intéressé remonte à 2018 et c'était le communiste Chassaigne qui avait André Chassaigne qui avait fait une proposition qui avait été rejetée par le Parlement, mais qui proposait des pistes dans des programmes existants à l'époque. Et puis plus récemment, les Insoumis ont également déposé une proposition en 2023 qui consiste à additionner au versement mobilité des entreprises à 0,5% selon certaines conditions locales de développement de ces transports. Il y a aussi, juste une parenthèse, il y a aussi dans les revendications de l'UGDT l'abaissement du seuil pour les entreprises pour le versement transport. Ça peut être une solution également, oui. Donc c'est pas ici à nous de dire on a toutes les solutions. Il faut laisser aux collectivités locales qui bien sûr peuvent pas tout, puisqu'on a vu que le versement mobilité dépendait aussi de la loi de finances, mais il y a un certain nombre de taxes qui relèvent du local et qui peuvent être actionnées. Alors, j'en cite quelques-unes au hasard, taxes qui peuvent être décidées au niveau national, c'est les taxes sur les énergies, sur les concessions autoroutières, sur les transactions financières qui peuvent être... qui peuvent apporter des ressources. On est à attaque ou on n'est pas. Hein. Voilà. Bon, attention, on va fâcher la Macronie. Hein. Ah oui, ça c'est sûr. Localement, évidemment, il y a quelques taxes aussi sur les surfaces de stationnement, les parkings, les locaux, la taxe foncière. Alors la taxe foncière, c'est encore un tabou. C'est pas la solution miracle, mais ça peut aussi être peut-être symboliquement une façon de faire payer tout le monde, y compris ceux qui ne prennent jamais les transports publics. Or, nous, on pense que si on traite les transports comme un bien commun service public, il est normal que tout le monde paye, y compris ceux qui ne prennent pas les transports en commun, comme dans la santé, il ne faut pas être malade pour payer, et pour l'éducation, même les couples qui n'ont pas d'enfants payent pour l'éducation de tout le monde. Ouais, on avait fait un peu les calculs concrets, mais c'est vrai que la taxe foncière, ça va être un sujet qui peut brusquer les élus, en fait, puisque derrière, évidemment, il va falloir expliquer aux administrés que si la taxe foncière elle grimpe, ça va être un peu... Alors la taxe foncière... Le problème de la taxe foncière, je pense que c'est un autre problème, parce que l'assiette de la taxe date de 1970. Et donc la révalorisation de la taxe foncière coûterait certainement très cher. Donc là-dessus, les élus sont extrêmement prudents pour réviser la taxe foncière. On n'avait pas aussi parlé, je crois, à Lambersart, de des flottes de voitures d'entreprises. Oui, ouais, ça, ça c'est Reporter qui signale que en France, c'est un chiffre national, le coût pour les entreprises des voitures de fonction qui servent pas qu'aux commerciaux, qui servent surtout aux cadres, est bien plus élevé, représente 60% de plus que leur versement mobilité. Donc les entreprises, si on augmente leur versement mobilité, peuvent aussi s'y retrouver. C'est, je veux citer simplement ce qui se passe à Dunkerque, où une grande entreprise s'installe, et la communauté urbaine de Dunkerque a tout de suite pensé au transport des milliers de salariés qui vont débarquer à la gare et qui vont être transportés gratuitement vers l'entreprise, ce qui permet à l'entreprise d'éviter des coûts de parking, de garage et de voitures de fonction pour leurs cadres. Avec le transport à la demande, en fait, puisqu'on sait que les salariés n'ont pas forcément les mêmes horaires. Et donc, c'est un nouveau pas vers la gratuité une mobilité intelligente de la part de la communauté urbaine de Dunkerque. Alors, on peut peut-être terminer sur le dernier volet qui est les municipales et le pouvoir d'agir des collectivités locales. On l'a abordé un peu. Peut-être avant, est-ce qu'on a un peu des chiffres au niveau mondial des villes ou des agglomérations qui ont choisi la gratuité ? Tu as adopté la gratuité ? C'est compliqué, ça. J'ai essayé de chercher ce matin, j'en ai pas trouvé. Je sais qu'il y a une carte et plusieurs villes où la gratuité est nouvelle. C'est en Australie, à Melbourne, il y a la gratuité. Il y avait des grandes agglomérations. Il y avait Tallinn en Estonie. Le Luxembourg. En Estonie, le Luxembourg. Voilà. New York qui va le faire. Ah bon? Oui, c'est la volonté aujourd'hui, en France, il y a une trentaine de collectivités. La plus grosse métropole, c'est Montpellier aujourd'hui. Oui. Après vient Dunkerque. Vous rappelez quand même que quand Dunkerque a lancé le projet, tout le monde disait mais c'est pas possible, 200 000 habitants, c'est trop. C'est aussi l'argument qu'on avance ici toujours sur la métropole en disant oui mais ici c'est trop vaste, on peut pas. C'est trop vaste, il y a plus d'habitants, mais il y a aussi plus d'entreprises, il y a plus de sièges revenus, sociaux, il y a des revenus multiples. C'est vrai que la métropole lilloise est une capitale régionale, donc il y a des sources de financement qui peuvent venir également de la région. On entend aussi quand il y a un métro, bus, tramway, c'est pas possible, alors qu'il n'y a aucun argument qui le démontre, Ça coûte très cher. Ouais. Alors, quand même, je préférais ce chiffre, plutôt que de dire qu'il y a les communautés. Ça fait 300, en France, 367 communes ont la gratuité totale de l'accès au bus. Donc, c'est plus intéressant de dire c'est la communauté urbaine de Dunkerque, c'est la communauté de Montpellier, etc. Oui. Alors, agir localement, est-ce que c'est possible ? On l'a montré, d'une certaine façon. Je crois qu'on en a fait la démonstration. Avec des limites, évidemment. Nous, ce qu'on pointe, parce qu'on est à attaque aussi, qu'on défend le service public, bien sûr, mais aussi le pouvoir d'agir local. Hein, le slogan d'attaque, ça a été très longtemps « penser global, agir local ». Et ce que je voudrais redire là aujourd'hui, au moment que les nouvelles équipes municipales vont se mettre en place, c'est que les grandes décisions dans la métropole lilloise se sont toujours faites sans aucune concertation avec les populations. Et ça doit changer. Donc la politique de mobilité concerne les habitants. Et il n'est plus question aujourd'hui de faire sans eux. C'est redonner du pouvoir aux citoyens. Exactement. Oui, alors, dans cet esprit. Et aux élus. Moi, je pense que beaucoup d'élus, quand ils sont en conseil métropolitain, connaissent pas bien le sujet, votent, on a vu quoi, des décisions aberrantes, qu'ils ont certainement très vite regretté, de diminuer la subvention transport, par exemple. Tout de suite, ils ont vu les conséquences que ça avait. Donc, il est important que les collectivités locales reprennent un pouvoir d'agir, mais et pas sans les citoyens, évidemment. Et ce vaste projet, encore une fois, nous, on a dit que le projet, ça ne doit pas être traité d'un point de vue comptable pour alléger les frais des uns ou des autres, mais comme un grand projet émancipateur, et il doit être co-construit avec les habitants, avec un pouvoir d'agir en redonnant du pouvoir au conseil de quartier, par exemple, en organisant des assemblées qui vont travailler le projet avec les élus, avec des experts, avec les techniciens. Et ça, c'est, à mon avis, le premier levier à actionner localement. Non, moi, je reprends le propos initial de Christian, qui disait pourquoi ça se fait d'en haut et ça vient pas de mobilisation populaire d'en bas. Et je crois que notre travail militant, enfin, celui qu'on a fait sur Roubaix, celui qu'on fera, qu'on continuera à faire avec le Pas-de-Calais, enfin, avec tout ce qu'on fait actuellement, c'est aussi pour mobiliser, enfin, pour faire naître une mobilisation populaire autour de la gratuité des transports. Bon, ça peut être d'autres thèmes, mais nous, on s'en tient là parce qu'on a, bon, on a aussi des forces militantes qui sont pas extrêmement fortes, mais on se base là-dessus et on continue. Donc je crois que c'est de plus en plus les gens sont sensibles à la gratuité et à la mobilité. Oui, alors je pense aussi que même il faut quand même reconnaître que la gratuité a un effet limité sur les automobilistes. Quand même, c'est pas non plus ça existe quand même. Mais toutefois, moi je vois quelques chiffres sur Dunkerque. Hein. C'est vrai que c'est un peu notre modèle. La fréquentation des bus a augmenté de 85% en général, 65% en semaine. Et 125% le week-end. Mmh. Je rappelle que ça avait commencé, c'était intéressant aussi, ça avait commencé le week-end, pour rassurer, une virgule très astucieusement, à rassurer les commerçants du centre-ville, pour dire non, ne croyez pas ça. Les gens vont venir en bus avec leurs poussettes, et tranquillement vont faire les courses. Effectivement, c'est ce qui s'est passé. Et le centre-ville de Dunkerque revit. Et il y a aussi 33,2% de nouveaux usagers qui profitent de la gratuité pour se déplacer avec la redynamisation du centre-ville, je viens de le dire. Je crois que c'est quand même, il y a quand même des chiffres qui marquent, mais il faut aller jusqu'au bout. Et Dunkerque est allé jusqu'au bout. Ça me fait penser à l'idée aussi que la gratuité allait occasionner une espèce d'invasion de la racaille dans les transports en commun. Dit ça, hein. Oui. Donc c'est une idée complètement fausse et la réalité l'a complètement démentie. Il y a encore un argument des opposants qui consistait à dire que la gratuité allait concurrencer le vélo. Et c'est tout le contraire, parce que bien sûr, dans les villes polluées, prendre ses bicyclettes, c'est un peu dangereux pour la santé. Et à Dunkerque, on a démontré que toute l'infrastructure permet au contraire aux piétons et aux cyclistes de prendre toute leur place dans la ville. Donc c'est un atout supplémentaire, plutôt qu'un frein. Oui. Ça fait moins de voitures sur la route, donc même au niveau du comportement des usagers, en fait, a priori les gens sont plus sereins dans le sens où s'il y a un retard du métro, du tramway, du bus, bon, à toute façon, c'est pas de leur faute, puis je paye pas le ticket, donc je vais pas me plaindre, quoi. Oui, parce qu'on a dit aussi, c'est des choses anciennes qu'on sait, quand on travaille sur la gratuité, c'est que il y a l'espèce de ce qu'on appelle le contrôle social, c'est-à-dire qu'on est avec d'autres personnes dans le bus qui ne payent pas plus que vous, et il n'y a pas de dégradation dans les bus, ou comme on a pensé, ce que disait un peu Didier là, ça va être le foutoir, toute la lie de la société va rentrer dans le bus, etc. Les barbes. C'est pas si simple que ça. René. Oui, je voulais dire que la gratuité doit s'accompagner aussi de toute une refonte du réseau, quoi, et de tout repenser. C'est ce qu'on avait aussi, une question qu'on avait aussi soulevée jeudi, je crois. Oui, bien sûr, c'est ce qui s'oppose à aux gratuités partielles qui ne font pas du tout avancer le sujet. Il faut avoir un projet qui va consister à faire une étude sérieuse avec les habitants des flux de voitures, comment les réduire, et quelles alternatives proposer. Comment, donc cette étude avec ensuite le chiffrage, et tout ça, ça va prendre du temps. Et qu'il y ait des étapes, une fois que le projet complet est bien pensé, bien sûr, il peut y avoir des étapes comme à Dunkerque, ça a d'abord été le week-end pour rassurer les gens, pour voir comment ça marche. Mais penser que accorder la gratuité aux jeunes ou à une autre catégorie sociale va diminuer le flux de voitures, non, c'est tout simplement ne pas réfléchir. Il faut associer obligatoirement la gratuité à une amélioration de l'efficacité du réseau de transports en commun, bien sûr, avec des parkings relais. Et c'est toute une infrastructure qui, il ne faut pas se cacher, qui va coûter cher. Et aussi bah, d'autres, comme il y a les bicyclettes, trottinettes électriques, que développent aussi les municipalités. Et transportables, dans les, dans qui doivent les... être transportables oui. dans les bus. Les mobilités douces. Alors, ce que je voulais dire, c'est pour conclure, mais Didier a fait référence à une étude de Nastassia. Cette étude montre que les gens connaissent très bien le service public. Ils connaissent très bien le fonctionnement des bus. Ils connaissent les défauts des bus. Ils sont tout à fait ce qu'on appelle en sociologue l'expertise d'usage, c'est-à-dire qu'ils ils sont capables de faire des propositions, et on en a eu avec, par la preuve de cette étude, des propositions tout à fait concrètes. Et c'est tout ça que les politiques, je ne sais pas s'ils refusent, mais n'entendent pas de toute façon. Mais par exemple, le bus il est trop étroit à cet endroit-là, ce serait bien d'avoir plus de place pour les gens qui viennent en poussette, les gens qui viennent en fauteuil. C'était effectivement nommément cité pour les handicapés et les poussettes, effectivement. Bien, on en termine là. Oui, eh bien voilà, on va passer un peu de musique, si ça veut marcher. Seul avec sa gratte. Il s'appelle Frédéric Fromet, tous les vendredis, avec une régularité folle. Merci d'ailleurs Frédéric. Il a annulé toutes ses représentations du vendredi que pour nous, pour nous faire une petite chanson. J'aurais avancé un peu, mais je voilà, peux pas. Et en à peine 3 minutes, je vais résoudre tous les problèmes de violence contre les élus locaux grâce au répertoire de la chanson française. Face à mon maire, je reste tranquille, je garde mes nerfs. Pas de geste imbécile, je le respecte, je reste cool, correct. Ni crochet, ni direct. Faites plutôt l'amour au maire, au lieu de brûler sa maison, de lui offrir un barbecue, une crémation. Faites plutôt l'amour au maire, au lieu de chercher la baston. Le monument aux morts n'est pas fait pour son nom. Dans les yeux de mon maire, y a pas toujours une lumière. Mais les yeux de mon maire ne méritent pas de ne voir plus clair. Ce serait chouette de pas boxer le maire Saint-Brévin. Ce serait chouette d'éviter le fait d'hiver. Toin, toin, toin. Ce serait chouette de pas buter le maire Saint-Brévin. Ce serait chouette de pas le foutre au cimetière. Soin, soin, soin. Il y a le ciel, le soleil et le maire. Il n'est pas utile qu'il soit sur une civière. Le maire qu'on voit tabasser, roué par terre. Bientôt faudra voter pour un maire qui fait du karaté. Face à mon maire, je reste tranquille, je reste pépère. Pas de geste hostile s'il est vilain. Mon meilleur coup de poing, ouais, bravo Frédéric Fromet. Voilà, on va reprendre les commandes avec les actualités d'Attaque. Ouais. C'est René. René. Oui, non, pardon. Excusez-moi, c'était Frédéric Fromet dans une émission de France Inter. pour les élections municipales de 2020. Et on écoute Christine Vandenacker. C'est Christine ? Je ne sais plus. C'était Charline Vandenacker. Charline Vandenacker, oui. Qui a été virée depuis cette émission, bien sûr. Excuse-moi, René. Oui, oui. Je te laisse la parole. D'accord. Alors, les activités d'attaque. D'abord, au niveau national, deux décès qui nous font mal. D'abord, Leila Saïd, déléguée générale de la Palestine en France au lendemain des accords d'Oslo. C'était une proche de Yasser Arafat. Elle défendait sans relâche la reconnaissance d'un État palestinien et l'application du droit international. Ces dernières années, elle affrontait des problèmes de santé. Souffrant de dépression et profondément affectée par le génocide à Gaza, où elle compte d'ailleurs de nombreux amis. Elle a mis fin à ses jours dans sa maison Sevenol. L'autrice et ancienne conseillère de l'Organisation de Libération de la Palestine, OLP, Mousna Chiabi, lui rend un intime et universel hommage. C'est sur Last. Last, oui. D'accord. Oui. Plus proche d'Attaque, donc Suzanne Georges, qui a largement contribué à la création de l'association Attaque en 98 et qui a été pendant des années la présidente d'honneur. On se rappellera le rapport Lugano, une fiction factuelle détonnante mettant en scène à Lugano en Suisse, donc un groupe d'experts réunis pour sauver le capitalisme. Il reste d'actualité. Et vous savez comment ? En laissant les épidémies... laissant se développer les pandémies et les épidémies. Sensible au dérèglement écologique, elle fut membre du conseil d'administration de Greenpeace International et de Greenpeace France dès 1989 et elle a participé au lancement en France d'une organisation connue au Royaume-Uni, Extinction Rébellion. Alors, on va parler de l'affaire Geneviève Leuillet, le 23 mars 2019. Alors, porte-parole d'Attaque 06 était gravement blessée lors d'une manifestation à Nice dans le cadre du mouvement des Gilets jaunes. En janvier 2024, un premier procès s'était tenu et où le commissaire Rabat Souchi a été condamné à 6 mois de prison avec sursis pour avoir ordonné une charge illégale ayant entraîné ses graves blessures. On se souvient des images à la télé assez violentes. Mmh. Rabat Souchi ayant fait appel de cette décision, un second procès aura lieu le mercredi 25 février à Lyon. Appel au don sur le site d'Attaque France, bien sûr. Donc après ces femmes militantes d'honneur, de courage et d'intelligence, on va passer à des femmes plus concons et répulsives. Oui, alors déjà, Amélie de Montchalin, qui va de Bercy à la Cour des comptes. Eh bien, c'est non. Pour Attaque, qui a lancé une pétition contre cette ignominie de Macron. La prochaine, pourquoi pas, serait de nommer Sarkozy président de la Cour de cassation qui doit le juger. On rappelle également le coût des 13 000 contribuables millionnaires qui payent l'impôt sur la fortune immobilière, mais pas d'impôt sur les revenus. Amélie nie tout ça, bien sûr, en pleine Assemblée nationale. Sauf que c'est sous la direction de son prédécesseur que l'affaire a été révélée. Et puis il y a l'autre, qui n'a plus toute sa tête. Elle dit en gros, après l'affaire de Ranc, que toute personne qui met un bulletin de vote dans l'urne pour LFI est responsable. Et enfin, pour finir, Martine Vassal, députée LR, qui réclame publiquement... qui déclare publiquement que ses valeurs sont travail, famille, patrie. Ça ressemble... rappelle quelque chose. Oui, il me semble bien, oui, en effet, oui. Au plan local, c'est toujours toi, René. Oui, au plan local, alors, Attaque Lille, donc, notre participation à l'AG de NADA, qui s'est tenue à Lamres le 11 février. Nous étions une quinzaine de participants et participantes. Après une évocation des actions passées et une année 2025 assez calme, le collectif, qui est devenu une association, montre une volonté de remonter au créneau, comme on dit. Dans les perspectives 2026, il est programmé de clarifier la situation juridique suite au recours déposé, d'obtenir les conclusions de l'étude d'impact, parce qu'ils ne les ont toujours pas eues, de contacter les élus, de faire une lettre ouverte à la Voix du Nord, Une étude de l'impact hydrogéologique est envisagée puisque l'aéroport se situe à proximité des champs captants. Et enfin, une conférence débat est prévue le 9 avril à Sciences Po avec l'intervention d'un pilote repenti et démissionnaire, Anthony Viau. Également, une participation à une action internationale concernant le couvre-feu qui est prévu pour septembre. On en reparlera sûrement. Hein. Oui, on vous en reparlera. Ensuite, au plan financier, NADA dispose encore d'une réserve confortable, notamment pour les frais d'avocat, mais vous pouvez bien sûr apporter votre soutien via Hello Asso. Et nous, à Attaque-Lille, nous réfléchissons à notre niveau d'engagement avec les moyens dont nous disposons. Donc, voilà, donc très bien, encore René. En débat. Alors, prochaine information, donc l'invitation à une réunion publique dans le cadre des élections municipales, c'était à Lambersart, hier. Donc, un débat organisé par la liste Lambersart pour un avenir social, écologique et solidaire, une liste de gauche et de rassemblement citoyen, menée par Virginie Deleu, qui remplace Pierre-Yves Pirat comme tête de liste. Pierre-Yves qui est spécialiste de la question des eaux dans la métropole. Le thème de la réunion portait sur la gratuité, donc la première partie concernait la gratuité des transports publics, présentée par nous, ATAC, et la seconde partie portait sur les premiers mètres cubes d'eau gratuits, indispensables à la vie, il faut le rappeler, dans le cadre d'un exposé de 20 à 25 minutes chacun, sur chaque thème, suivi d'un débat fort intéressant. Une trentaine de personnes étaient présentes, qui ont animé le débat avec des questions toutes pertinentes, très pertinente. Cette initiative a été nettement positive. La liste envisage d'autres réunions de ce type sur différents thèmes, les monnaies locales, les circuits courts, l'accès aux droits, et il y en a encore d'autres. Et aussi des réunions avec les lycéens et collégiens par le biais des conseils des jeunes. Un seul regret, on peut dire qu'il n'y ait pas eu plus de monde, mais je pense que pour la ville de Lambersart, c'est pas du tout négatif. Oui. Morgane, pour la dernière info. Alors, on va parler de la presse pas pareil, et notamment de l'interview de Patrick Lemoyle, c'est ça, sur les transports. Sur les transports gratuits sur politis.fr. Et on peut dire un grand merci au Canard Enchaîné, à Mediapart et à Street Press pour avoir révélé des informations autour de la mort de Quentin Derenck, notamment le fait que les militants néofascistes étaient venus en découdre, ce qui ne retire rien au caractère sordide de la mort du petit chanteur à la croix de fer. Bien vu. On termine là pour faire plaisir, surtout qu'il n'est plus là déjà, pour faire plaisir à Didier avec les Who. Magic Bus. Bon week-end et au mois de mars avec une autre émission. Every day I get in the queue to get on the bus that takes me to you. I'm so nervous I just sit and smile. Yo te quiero, amada prenda mía, igual que amada flor. La luz del día, amapola, lindísima amapola, no seas tan ingrata, Stalingrad.